بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سئل الإمام الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمة الله عليه ما حكم قص الشعر للمرأة Est-ce que la femme elle a le droit de se couper les cheveux قال الشيخ رحمه الله تعالى إن كانت تحتاج إلى قصه كأن ينبت في رأسها حزاز أو جرح أو طال الشعر كثيرا وتريد أن تقص منه فلا بأس وإلا فهو يعتبر زينة لها Si il y a un besoin, si cette femme elle a un besoin, il m'a un problème à la tête et elle a besoin de diminuer les cheveux, bah, elle a un jurh, une blessure ou autre. Ou tal al-sha'r kathiran, ça arrive. Certaines femmes, leurs cheveux ils poussent tellement que ça devient pour elles un mal quand elles veulent les laver ou autre. فهذا الحال c'est permis, c'est pas interdit. Wa illa, ay, si la femme elle est pas concernée par ces deux cas, il y a aucun besoin. ففي الحقيقة c'est من الزينة. Ça fait partie de l'embellissement de la femme d'avoir des longs cheveux. قال وقد جاء في صحيح مسلم أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قصصنا شعر رؤوسهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم حتى صار كالوفرة. نعم في صحيح مسلم يا حديث أن les femmes du prophète عليه الصلاة والسلام après sa mort elles ont raccourci leurs cheveux. والعلماء ils ont démontré أن هذا une des causes أن les femmes du prophète عليه الصلاة والسلام elles n'avaient pas le droit de se remarier après lui. Elles n'avaient plus besoin de هذه الزينة. Elles n'avaient plus de mari. ففي هذا الحال elles ont raccourci leurs cheveux قليلا. لكن كما قال الشيخ مقبل أن la base c'est que c'est من الزينة. Donc s'il n'y a pas de besoin c'est mieux que la femme elle ne touche pas à ses cheveux. قال ولكن هذا من فعلهن والذي ننصح به هو إبقاء شعر الرأس فإنه يعتبر زينة وجمالا للمرأة. Ça fait partie de la beauté de la femme. قال وأعظم من هذا إذا كان تشبها بأعداء الإسلام فقد أصبح المسلمون يتشبهون بأعداء الإسلام حتى إن من النساء من أصبحت تصبغ رأسها بصباغ أحمر. هذا سيغاف. On a un autre problème, comme a bayyana huna Cheikh Mukbil rahimahullah, c'est le fait de se couper les cheveux ou les teintures pour essayer de ressembler à certaines femmes. Et c'est très très grave si ces femmes c'est des kafirat, c'est pas des musulmanes. Li anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum. فلهذا قال الشيخ مقبل وكونتينيو وإن رأت من النساء من يقصصن من رؤوسهن فعل ذلك. Tu vois deux choses qui nous font beaucoup de mal, que ce soit aux femmes, aux hommes, aux enfants, c'est l'imitation, suivre al-kuffar, les ennemis de l'islam, et كذلك suivre les modes, suivre les autres. On vit à une époque الآن أو il y a quelque temps أو ça reviendra. أن la mode c'était que la femme elle se coupe les cheveux très courts comme un homme. À notre époque, كذلك les teintures. كذلك بعض النساء et كذلك بعض الرجال, et c'est très très grave. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع, il se coupe une partie des cheveux et il délaisse l'autre partie. Tout ça, ça vient d'où? Ça vient du fait de suivre هؤلاء. Vous avez remarqué qu'eux, ils nous détestent. Prends le comportement des kuffars et leur position par rapport au hijab. Vu que le hijab, c'est devenu spécifique aux musulmans, ils détestent le hijab. Ils font tout pour le combattre. Ils appellent à la liberté, ils appellent à... Il ne faut pas que cette femme elle soit emprisonnée, il ne faut pas que cette femme elle soit sous l'influence d'un tel. Il a agri, yuharibun, ils combattent le hijab. Et tu trouves, nous, les musulmans, كثير منهم, ils donnent de l'importance à haoula al-kuffar. Ils essayent de les imiter. Et tu trouves, et c'est encore plus grave, certains musulmans, ils critiquent leurs frères musulmans. Il va voir une musulmane, matalan mutabarrija, dévêtue, bal iyadun billah, presque dénudée, avec une certaine coupe, une teinture. Mohim, un état catastrophique. Il va rien dire. Il va voir une musulmane avec le hijab al-shar'i, en sitar, en niqab, en jilbab, et ça va le déranger. Pourtant, c'est un musulman. Qala rahimahullah, wa in ra'at min an-nisa man yaqsusna min ru'usihin fa'ala dhalik. Faut pas qu'on soit hakada des suiveurs. Une mode elle arrive, khalas, on suit. Khassatan al-mar'a, si son mari n'est pas d'accord. Elle est mariée et son mari veut qu'elle garde les cheveux longs. Et vu que certaines sœurs elles se sont coupées les cheveux, ou une mode ou autre, bah, la femme elle doit faire attention. قال وبعض النساء ترفع رأسها كأنه سنام بعير على الرأس. هذا هو الذي يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم مائلات رؤوسهن أو رؤوسهن كأسنمة البخت. النبي صلى الله عليه وسلم إلى informé une catégorie de femmes qui viendra après lui et parmi leurs caractéristiques ma'ilat ru'usuhun ka asnimat al-bukht. Asnimat al-bukht, c'est la bosse du chameau. Ces coupes qu'on voit à notre époque très propagées, et hadha al-wa'id, même si c'est sous le hijab, ama s'il n'y a pas de hijab c'est encore plus grave. Lakin ba'd al-akhawat elles portent le hijab et elles font des chignons, des coupes, et au-dessus de sa tête, c'est comme une bosse de chameau. Hada, c'est haram. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a interdit. Même si c'est une mode. Tu vas suivre une mode pour délaisser la voie du prophète, alayhi sallatou salam. Le musulman, fil haqiqa, il n'a pas besoin de mode. La mode, c'est quoi? Fil haqiqa, c'est suivre quelqu'un, suivre une tendance. Que ce soit une personne ou dans une époque ou dans un lieu. Nous, notre mode de vie, c'est le suivi du prophète, alayhi sallatou salam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Qala وتقليد أعداء الإسلام في هذا الزمن يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموه. ويقول صلى الله عليه وسلم محذرا من ذلك من تشبه بقوم فهو منهم. Il a cité deux hadiths pour montrer l'interdiction de suivre les kuffars. لا تتبعن سنن من كان قبلكم. Aye, vous allez suivre ceux qui vous ont précédé, pas à pas, il a agré, même s'ils rentrent dans un trou de lézard, vous les suivrez. Et c'est exactement ce qu'il se passe là. Des modes, t'as honte, t'as. Wallah, t'as honte de les regarder, et c'est devenu une mode. Tarahum l'an. Rijal, nisa, petit, grand, ils mettent des vêtements craqués, des vêtements déchirés. Na'oudou billah. Ça vient d'où, hada? À l'époque, c'était ib, khasatan عند المسلمين, même عند الكفار. Al-an, c'est devenu une mode. D'où ça vient, hada? Un واحد من المجرمين qui a porté ce vêtement, un sportif, une star ou autre, et tu trouves umma min al-nas ils l'ont suivi. On est des musulmans, on doit suivre un Nabi alayhi salatu wasalam autant qu'on peut. Et al-muslima, la femme, elle doit prendre comme exemple les femmes du prophète alayhi salatu wasalam. Ils ont posé la question à Cheikh Ibn Uthaymeen, on peut ajouter huna. Ils ont posé la question à une femme qamat bi qas sha'r bintaha mithl al-dhakar. Dhakar, c'est le garçon. Et une femme, elle a posé la question, est-ce qu'une femme elle a le droit de couper les cheveux de sa fille comme un garçon? Et lui faire la coupe garçon, comme ils disent. Et lui couper les cheveux très courts, à une fille. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله آثمة أن تقص شعر بنتها حتى يكون كشعر الذكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من الرجال من النساء بالرجال. كذلك la femme elle a pas le droit de se couper les cheveux trop courts لماذا pour ne pas ressembler à un homme. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a interdit aux femmes de ressembler aux hommes. Il a interdit عليه الصلاة والسلام aux hommes de ressembler aux femmes. C'est pour ça que l'homme il a pas le droit de se laisser pousser les cheveux trop longs مثلا en dessous des épaules et jusqu'au bas du dos. هذا لا يجوز pour un homme, c'est une ressemblance aux femmes. Et la femme elle a pas le droit de se couper les cheveux très courts حتى elle ressemble à un homme. On peut se poser la question, لكن c'est une fille, c'est une petite fille, elle ne sait pas. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والطفل يجب أن يجتنب ما يجتنبه الكبير وهذا لا يأثم لأنه غير مكلف ولكن وليه يأثم. لماذا؟ لأن يحرم على الصغير ما يحرم على الكبير أو كما قال رحمه الله. Ça c'est très très important. Alors, on n'a pas le droit de dire لكن c'est une petite fille, elle ne sait pas. Celui qui a coupé les cheveux ou celui qui a ordonné de couper les cheveux ou le parent qui a accepté, il est athmi, commet des péchés. Pourquoi? Les interdictions pour les adultes, c'est aussi valable pour les enfants. Sauf si on a une preuve qui montre que non. Donc dans ce cas, on ne doit pas se laisser aller et dire « Lakin, elle est petite ». Hatta la façon de s'habiller, mettre des vêtements trop courts et elle est encore petite. Là, habitue-la. Si tu ne l'habitues pas maintenant, quand est-ce qu'elle va s'habituer? Fabardennes, ils achètent des choses à leurs enfants haram et ils disent « Lakin, elle est petite ». Anta, tu n'es pas petit. Pourquoi tu achètes le haram? Maintenant, cette fille, elle est petite. Que tu lui coupes les cheveux comme une femme, مثلاً, normal, sans que ça soit trop court. Pour elle, c'est la même chose. Enfin, fais-lui, même si tu lui coupes les cheveux en qadr, il y a besoin, tu lui coupes sans monter trop haut. Et alhamdoulilah, c'est une petite fille. Elle ne va pas te dire, là, je veux une coupe garçon. Et même si elle te demande, voilà, c'est les parents qui choisissent. لكن في الحقيقة on se laisse aller في هذا الباب. وقال الشيخ ابن عثيمين dans une autre فتوى اللقاء الشهري لا تقص المرأة شعر رأسها إلى ما فوق الكتفين. On peut se poser la question après avoir lu ces deux fatwas de Cheikh Muqbil rahimahullah et une autre de Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. C'est quoi la limite? C'est quoi trop court? C'est quoi pas assez court? قال الشيخ ابن عثيمين لا تقص المرأة شعر رأسها إلى ما فوق الكتفين. La femme, elle doit pas se couper les cheveux au-dessus des épaules. Si elle monte, elle monte jusqu'aux épaules. Et al-afdal, comme a dit le Cheikh Muqbil rahmatullah alayhi, c'est qu'elle laisse les cheveux longs. C'est minazzina. لكن si y a un besoin, فلا بأس. قال إلى ما فوق الكتفين حتى وإن رضي الزوج. On a un autre problème أحيانا, c'est que c'est le mari qui demande. Le mari demande à sa femme, il veut qu'elle se coupe très court, حتى elle monte au-dessus des épaules. وحتى إن أمر بذلك. Dans ce cas, elle n'obéit pas. Dans ce cas, elle lui montre que là. قال حتى وإن رفض الزوج بذلك بل وحتى وإن أمر بذلك وعلى الأزواج أن يتقوا الله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Si l'homme il demande à sa femme une coupe, maintenant, comme les hommes, une coupe garçon, dans ce cas, elle ne doit pas lui obéir. Et ce mari doit craindre Allah Azza wa Jal. Et cette femme, elle doit craindre Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et on doit tous faire des efforts pour craindre Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dans la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a tout le khayr. Fais attention à tawassu' fi hada. Même les hommes, certains ils font des coupes, certains ils font certaines choses. Al-hadar min hada. Ne perds pas ton temps avec ces choses. Ça peut ouvrir un bab shar, une fitna. عليك. لأن en général ceux qui sont attirés par ces choses ça vient d'un problème dans le cœur. وإلا celui qui aime le Nabi عليه الصلاة والسلام, on ne dit pas que هؤلاء ils n'aiment pas le Nabi صلى الله عليه وسلم, لكن ceux qui aiment le Nabi صلى الله عليه وسلم avec un amour fort, ils feront tout pour essayer de lui ressembler. Et on fait attention qu'à ذلك الرخص, chercher des facilités, essayer de trouver des excuses, mais un tel il m'a dit, essayer de se rassurer. فهذا لا ينفع. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الحق ونكتفي بهذا والحمد لله. La référence تحفة المجيب de Cheikh Muqbil رحمة الله عليه, cette nusra page numéro 100.